la tasse, je peux vous rendre, seigneur, seigneur, car avec les soldats. Il est pareil, je vais s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats. Oh, cirque plein, c'est jour de fête, le cirque plein du haut en bas. Le spectateur perd la tête. La terre s'interpelle à nos fratres. Apostrophe, crisette au page, où s'égisquez à la filaire. Car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, en garde, allons, allons, cosa passa-t-il? Vida, ricerca, vida, ricerca, lo toro se non s'avvondisse, or di carir, il seros, e l'altro il frappa, a cheval rula, a trenata piccador. A brava ta, e l'olla fora, lo toro va, e vien, vien, e frappa ancora, so qua. Si che prende so, o se so mo franchi la grille, se ton tour me tourno, allons, en garde, allons, allons, oh, toréador, en garde, toréador, toréador, et songe bien, oui, songe un combattant. Tu re